Le salut n'est pas au Québec, mais en soi. C'est le titre de cet enregistrement qui est produit au mois de juillet de l'année 2023. En fait, c'est un enregistrement que je fais aujourd'hui en relation avec une montée de colère que je vis une fois de temps en temps d'une manière ponctuelle. Parce qu'au fil du temps, il y a beaucoup de personnes un peu partout dans le monde qui m'ont écrit et qui semblent être fascinés par le Québec. Ils s'imaginent que quelque part le salut va venir du Québec, que s'ils viennent vivre au Québec, ils vont être heureux avec des gens qui sont conscients. Or, la réalité des faits, c'est que présentement au Québec, au moment où je vous parle, les gens qui s'intéressent à la conscience supramentale ou qui la vivent, c'est anecdotique. C'est une quantité limitée de personnes. Moi, je suis tanné au fil du temps, là, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais des enregistrements. Et d'une manière ponctuelle, il y a des gens qui m'écrivent d'un peu partout. Donc, s'il y a des gens en Europe qui m'écoutent présentement, là, que ce soit des gens en France, en Belgique, des gens aussi des Suisses... Bon, je vous salue, mais faites attention pour pas idéaliser le Québec et avoir l'amour du lointain, comme des gens qui vont avoir l'amour du lointain là, par rapport à l'Inde, que des gens pensent que s'ils se rendent en Inde, ils vont parvenir à la réalisation de la conscience intégrale. Illusionnez-vous pas, c'est la même crise d'affaires par rapport au Québec, dans le sens que des gens qui s'imagine, parce que Bernard de Montréal a initié la conscience supramentale ici au Québec, que si vous immigrez au Québec ou vivez au Québec, vous allez devenir conscient. C'est pas nécessairement le cas. Le salut vient pas d'un endroit géographique. Ça vient pas de l'Inde, le salut. Ça vient pas du Québec. Ça vient pas d'endroits dans le monde, Chris. Le salut ou la réalisation, si vous aimez dans un autre vocabulaire, ce qui vous permet de sortir de la merde, de la souffrance, du danger, etc., ça vient de votre conscience, c'est intérieur. Donc, les gens, à un moment donné, doivent trouver le salut en eux, c'est-à-dire la réalisation, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire l'intelligence créative. Donc, c'est le point que je veux faire qui est fondamental à travers cet enregistrement. Donc, une fois de temps en temps, il y a des Européens qui m'écrivent, en particulier... Il y en a qui aimeraient vivre ici au Québec. Il y en a qui aimeraient assister à des conférences qui portent la conscience ici au Québec. Ça arrive depuis plusieurs années. Et puis, ce que je veux dire, puis pourquoi je fais cet enregistrement-là, peut-être que par l'avenir, je le partagerai à des gens qui m'écrivent d'un peu partout. Bon, je parle d'Européens parce qu'il y en a beaucoup dans la francophonie qui m'écoutent, qui sont en Europe. Mais ça peut être aussi des gens... de d'autres endroits dans le monde. Il y a des francophones, entre autres, en Afrique. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a une mystification qui s'est faite au fil du temps que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, qui donne l'impression, parce qu'il y a eu Bernard de Montréal, ici au Québec, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale. Il y a eu Daniel Kim, Daniel Ménard, il y a eu... Marc de la Salle, il y en a eu plusieurs qui ont visé à véhiculer une conscience supramentale à travers leurs propos, que, à quelque part, ici, les gens au Québec sont tous conscients, qui vivent dans la conscience supramentale, et que, dans le fond, si les gens viennent vivre au Québec, ils vont nécessairement baigner dans un environnement qui est propice à leur épanouissement de conscience. Or, faut faire attention, il y a des gens qui sont fascinés par le Québec présentement, comme autrefois, tu avais des gens... qui était fasciné là, dans les années 1970 là, par l'Inde. Puis là, il y a des gens qui allaient en Inde pratiquer la méditation transcendantale. Il y a eu les Beatles qui ont fait la promotion de la méditation transcendantale. Puis il y a un paquet d'occidentaux à leur suite qui ont été en Inde. Puis ils pensaient qu'en vivant en Inde, ils parviendraient à la réalisation. Alors que la réalisation réelle... c'est en fonction d'un état de conscience individué. Ça n'a aucun rapport avec le collectif. C'est sûr que certes, il y a des environnements collectifs qui sont plus propices que d'autres à un épanouissement. Ça, je vous l'accorde, là. C'est sûr que, prenons par exemple pour la situation de la femme. Bon, ben, la femme qui naît au Québec ou en France, dans l'optique d'avoir accès à de l'éducation supérieure, c'est-à-dire aller à l'université, avoir plus d'opportunités en France ou au Québec qu'en Afghanistan, où les femmes n'ont pas le droit de faire des études supérieures au moment où vous faites cet enregistrement sous régime taliban. Donc ça, il y a des évidences, là. quand même. Mais pour ce qui est de la réalisation de la conscience supramentale, c'est que la personne peut être en Chine, elle peut être au Tibet, peu importe l'endroit, si elle vit une relation individuée entre son ego et son esprit, et qu'elle vit une forme de communication télépathique à l'intérieur d'elle, ben, peu importe l'endroit, elle peut vivre ça. Présentement, il y a des gens qui peuvent vivre ça en Ukraine, en Russie, même si c'est des lieux où il y a des conflits. Donc, ça, c'est un élément, là. Mais ce qu'il faut que... Je vais essayer d'être assez, aujourd'hui, dans l'enregistrement, parce que c'est en relation avec une impulsion de colère et une contrariété récurrente au fil des ans. Des fois, on vit... comment dire? Moi, là, je suis tanné. Chris, moi, je ne suis pas... je vais essayer d'être gentil quand même, là. Ben, quoique, non, à un moment donné, il faut arrêter d'être gentil, là. La réalité des faits, là, c'est que... S'il y a des gens qui sont fascinés par le Québec, des Européens, puis ils pensent qu'ils vont venir ici, qu'ils vont parler de conscience supramentale ouvertement, puis ils vont être les bienvenus, c'est pas le cas. Autrement dit, quelqu'un sur la rue ici au Québec, là, pourrait parler à un autre, dire hey, « moi, aujourd'hui, mon doux me dit telle chose. » Puis l'autre pourrait y répondre « T'es un esti de schizophrène de calice. T'hallucines, ça n'existe pas le double. L'esprit, ça n'existe pas. Puis si tu parles à des gens qui sont dans le domaine de la psychologie officielle, de la psychiatrie ou dans le domaine médical, prenons par exemple le Doc Mayou, le docteur Pierre Mayou, qui c'est un psychiatre là, qui fait des émissions, là, entre autres, sur YouTube. Bon, ben lui, la minute qu'on parle d'esprit extraterrestre, occulte, pour lui, c'est toute l'hallucination, c'est tous des gens atteints de schizophrénie à différents niveaux. À un moment donné, il avait dit à quelqu'un... Il dit, parce qu'il parlait qu'il y avait des visions, etc. Il dit, on va vous donner des antipsychotiques, vous allez voir, vous ne serez plus hanté par les esprits. Les fantômes vont disparaître de votre vie. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui hallucinent, mais là, ils mettent tout le monde dans le même panier. Puis pour ce qui est de la science officielle au Québec, au moment où je vous parle en 2023... le domaine médical, psychologie, psychiatrie, travail social ou autre, le paradigme post-matérialiste est pas reconnu. Donc, autrement dit, la conscience supramentale ou la supraconscience, dépendant comment vous voulez l'appeler, n'est pas intégrée à la conscience collective. Fait que là, les Européens ou les gens qui pensent émigrer ici puis parler de ça ouvertement avec tout le monde, oubliez ça. Probablement que vous allez vous faire traiter de fou, de malade mental, de personne atteinte d'un délire hallucinatoire, de schizophrène, et ainsi de suite. Vous allez probablement être étiqueté ou ostracisé. Puis à un moment donné, il y a des gens qui doivent allumer aussi. Je veux dire, ça fait des années que je fais des vidéos sur le web et j'ai choisi volontairement de parler de conscience sans apparaître dans les vidéos. Il y a des raisons par rapport à ça. Moi, en tant qu'individu, je vais en petite vie tranquille. Surtout que là, je suis rendu avec une fille. Je veux faire ma petite affaire tranquille dans ma vie. Je suis pas intéressé à aller sur la place publique pour parler de ça. Pourquoi? Ben, parce que le temps n'est pas encore venu que ça se parle d'une manière ouverte, transparente, en société. Là, c'est à l'état que ça se parle un peu sur Internet, mais vous n'entendrez pas parler de ça dans les médias, de conscience supramentale, de l'esprit, le double. Non, non. Inquiétez-vous pas, là, ça passe pas dans les gens qui pensent en Europe que ça se parle librement dans les médias, oubliez ça. Oubliez ça présentement, au moment où je vous parle en 2023. On n'entend pas parler de ça dans les médias ici de mars, que ce soit Radio-Canada, TVA ou autre. Là. Non, les gens ne sont pas bienvenus. Il y a un contexte pour tout. Hein? Si, par exemple, en 1923, quelqu'un... aurait voulu faire là, comme Barbada, là, qui est une drag queen, là, c'est-à-dire un homme qui s'habille en femme pour lire des histoires aux enfants. On prend la même personne, mais 100 ans en arrière, faire ça publiquement, ou même parler d'homosexualité publiquement, puis s'afficher ouvertement comme homosexuel. La personne aurait été ridiculisée par la société, aurait pu se faire battre, aurait pu avoir des représailles très graves par rapport à cette personne. Donc, autrefois, les gens au Québec qui parlaient d'homosexualité ou s'affichaient ouvertement comme étant homosexuels étaient victimes de railleries, d'insultes. Il y en a qui mangeaient des coups aussi. Tu sais, tout est en fonction d'un contexte. Présentement, la personne qui parle de supraconscience, dans le milieu universitaire, on oublie ça. Il y a des gens qui cherchent à faire des percées. Donc, il y a eu entre autres le docteur Mario Beauregard, neuropsychologue, qui fait des recherches sérieuses par rapport à l'existence de la conscience, ou le docteur Jean-Jacques Charbonnier, là, en Europe. Mais c'est encore, dans le fond, je vous dirais, marginal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chose en son temps. Donc, autrement dit, dans un contexte donné, aujourd'hui en 2023, quelqu'un peut parler ouvertement qu'il est homosexuel, c'est plus accepté socialement qu'en 1923. Par contre, est-ce que, par exemple, une personne qui peut en parler ouvertement au Québec ou également en France, c'est le même cas pour l'Afghanistan ou d'autres pays? La réponse est non. Quelqu'un en Afghanistan qui va parler ouvertement aujourd'hui, qui est homosexuel, à la gang de talibans, qui c'est des religieux à caractère conservateur, c'est sûr qu'il risque de vivre des oppositions ou des conflits. Donc, il y a certains endroits là que c'est très mal vu, l'homosexualité. Donc, il s'est pas encore intégré socialement. Même chose pour ce qui est de la conscience supramentale. Aujourd'hui, en 2023, la personne un peu comme l'homosexuel dans le passé, en 1923, c'est mal vu, mais peut-être qu'en 2123, là, ça va être tout à fait normal. Un peu comme la personne qui, dans le fond, s'affiche ouvertement comme étant homosexuel. Chaque chose en son temps. Il y a des lois d'énergie, il y a des lois d'intégration par rapport à des collectifs. Il y a de la sensibilité des gens qui doivent être respectés, mais à un moment donné, il y a des choses aussi qui, à un certain niveau, doivent changer, mais le changement se fait tranquillement, en profondeur. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que si vous pensez que vous allez pouvoir parler librement aux gens de conscience supramentale, vous allez être bienvenu pour parler avec les gens de conscience sur la rue au Québec, sans être victime de railleries, d'insultes, etc., aujourd'hui, pour les gens qui m'écoutent de l'extérieur, la réponse c'est non. C'est dans des clubs sélects, c'est avec des gens restreints. Et les gens qui vivent cette conscience-là, c'est très, très, très, très, très rare. Vous observerez qu'au fil des ans, à travers mes enregistrements, j'en ai pas beaucoup d'invités. Il y a des raisons derrière ça aussi, là. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'interlocuteurs. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, je suis sélectif, puis présentement, je m'occupe de ma fille, mais le point, c'est que des gens avec qui je peux parler de conscience, prenons par exemple Bertold et Mona, avec lesquels j'ai fait des enregistrements au fil du temps dans les dernières années, ça court pas les rues. C'est parce que là, il y a des gens, j'ai l'impression, puis là je vais vous le dire tranquillement, je vais essayer d'être un petit peu calme là. C'est pas parce que vous m'écoutez parler de conscience avec Bertold, puis là, des gens qui vont m'écouter en Europe vont dire ah, « Regardez, il y a deux Québécois qui parlent de conscience comme ça dans des enregistrements, qu'il y en a d'autres. » En réalité, j'en suis venu à la conclusion que la personne qui s'arrache au collectif parce qu'il y a une mise en vibration intérieure pour faire ça, il faut soit capable de supporter psychiquement son originalité, sa différence des autres dans un sens. C'est ça, moi je vis pas nécessairement en fonction des croyances puis des valeurs du milieu. Comment dire, le lieu du Québec pour moi est un lieu occasionnel de vie. En réalité, si je serais, je souhaite pas nécessairement d'être en Europe, mais ce que je vous dirais en passant, là, pour ce qui est des gens qui aiment avoir des conversations érudites par rapport à des sujets scientifiques, Moi, c'est sûr que par rapport à ça, ce que je dirais, c'est que l'endroit dans le monde qui est plus propice à ça, c'est sans doute l'Europe pour avoir des conversations avec des encyclopédistes, pas le Québec. L'éducation ici n'est pas nécessairement valorisée. Il y a des gens qui connaissent des choses qui vont être méprisées. C'est pas... À un moment donné, j'écoutais une vidéo qui disait qu'en France, entre autres à Paris... Un homme, par exemple, qui a un vocabulaire qui est vaste, qui a fait des grandes études, c'est quelque chose de sexy. Donc, c'est quelque chose de désirable. Alors qu'ici, au Québec, c'est plus un pragmatisme qui règne, dans le sens que ce qui va être désirable ou valorisé, c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Et il y a une certaine forme de mépris aussi des intellectuels. Certes, il peut y avoir un fondement derrière ça, parce que oui, il y a des intellectuels qui s'écoutent parler. Ils sont orgueilleux de la connaissance. Puis oui, à quelque part, ça doit être contesté, mais en même temps, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est sûr que moi, dans le fond, je vous le dis, là, je suis honnête avec vous, à travers mes enregistrements, je ne vise pas nécessairement à faire une présentation ou une diffusion de propos en relation avec la conscience supramentale, comme Bernard de Montréal. Premièrement, je n'ai pas les mêmes mises en vibration que lui. Et aussi, en tant qu'ego, je m'intéresse à des trucs parfois intellectuels, ce qu'il faut faire, que je vais faire, par exemple, une chronique où je vais étudier les neurones miroirs, ensuite, je vais étudier un autre sujet. Et moi, ça m'apporte quelque chose. Mais le point, quand que je fais des enregistrements, ce que je fais des études de sujets, souvent, si j'utilise des termes techniques, je vais viser volontairement et sciemment à faire une reformulation pour que, dans le fond, les choses soient claires puis que ce ne soit pas interprété que quelqu'un qui se gargarise strictement avec des mots. Parce qu'il y a une différence entre faire l'étalage du savoir et en faire le partage. Quelqu'un qui en fait l'étalage pour dominer les autres en disant « je sais plus des choses que les autres », ça, il y a de l'orgueil dedans. Il pêche par orgueil. Tandis que la personne qui étudie quelque chose puis en fait le partage, c'est pas pareil. Et aussi au Québec, dans le fond, ce que je dirais, au moment où je vous parle, la culture, dans le fond, présentement, est pas propice à une érudition stratégique, c'est-à-dire à connaître plein de choses sur plein de sujets, ou aussi le passage à la conscience supramentale. Donc, pas présentement dans les paramètres, dans le sens que le milieu où la connaissance va être valorisée, ça va être des milieux plus européens. Et je suis d'avis que la manière de parler présentement pour véhiculer de la connaissance, parce que je m'intéresse aux deux paliers, au niveau du savoir de la connaissance, puis il y a peut-être des gens qui ne me suivront pas parce qu'ils vont soit se centrer l'attention juste sur le savoir ou la connaissance, tandis que dans ma compréhension de l'individu intégral, eh bien, c'est d'agir sur tous les niveaux. Être épanoui sur le plan émotif, sur le plan intellectuel, sur le plan sexuel, sur le plan de la capacité aussi à véhiculer une vibration, certes, mais sur tous les plans. En fait, je vais faire la promotion de la voix de l'homme rusé ou de l'individu rusé, pour inclure les femmes et également les transgenres, les non-binaires aussi, dont parlait Gurdjieff. Gurdjieff disait qu'il y avait la voix de l'homme physique, l'athlète, ensuite la voix de l'homme émotionnel, qui, lorsqu'il l'accomplit, va devenir l'artiste qui va être capable de véhiculer des émotions à travers ses œuvres, que ce soit de la musique, que ce soit de la poésie, etc. La voix de l'intellectuel, la voix du scientifique, qui va accumuler de la connaissance. Mais la voix de l'homme rusé inclut toutes ces voix-là, parce que si la personne est juste bonne sur le plan physique et elle n'a pas de connaissance scientifique, ben elle n'est pas complète. Si la personne est capable d'intégrer ses émotions ou d'exprimer ses émotions, mais qu'elle n'est pas capable d'être en bonne forme physique, à ce moment-là, elle n'est pas complète. Puis si la personne a fait plein de choses, puis est en train de dépérir, ressembler à un cadavre sur le plan physique, parce que le physique n'a pas été entretenu ou négligé, eh bien, la personne n'est pas complète. Donc, moi, je suis de l'avis qu'il faut s'inscrire. Bien, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, en ce qui me concerne, dans la voie de l'homme rusé, et au niveau de la communication, pour ce qui est de la langue française, mon avis se maintient à travers le temps, c'est que pour parler et véhiculer des choses avec précision, c'est pas le parler avec l'accent québécois, donc le joual, ni même l'argot parisien ou le parler de Marseille. Non, à mon avis, c'est le parler belge, ce que j'ai vu au fil du temps, qui est le plus précis pour s'exprimer, être capable de faire des phrases complètes. C'est sûr que par rapport à la communication, donc en termes de parler, je pense entre autres au philosophe jovialiste ici, André Moreau, au Québec. Lui, son père était d'origine belge et une mère québécoise. Probablement qu'il a hérité sa manière de parler, qui est différente là, des Québécois qui s'expriment là, sur la rue, là, naturellement. Parce qu'il va faire des phrases complètes il y a un souci très grand de la langue. C'est sûr qu'au fil du temps, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont critiqué André Moreau, mais le point qu'il faut lui donner, c'est qu'il est capable de parler d'une manière qui est claire, qui est précise. Et c'est très rare au Québec. Tu sais, si quelqu'un écoute un enregistrement d'André Moreau, vous en avez plein sur YouTube, et qui pense que les Québécois vont s'exprimer comme lui, oubliez ça. C'est un individu qui n'est pas du tout représentatif de la situation au Québec en termes de qualité de communication avec un vocabulaire précis servant à véhiculer de la connaissance, au même titre que Bernard de Montréal, n'est pas représentatif de la conscience des Québécois présentement. Là, oubliez ça. Il ne faut pas s'illusionner. Mais pour ce qui est d'André Moreau, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais peu de gens sont capables de l'accoter, c'est-à-dire d'avoir une capacité de communiquer équivalente à lui avec clarté et précision en langue française. C'est sûr que lui, ce qui l'a avantagé, c'est qu'il a fait des dictées au fil du temps et il a parti du principe que la pensée écrite ou la pensée qui s'exprime à travers la voix orale doit être la même, doit avoir une continuité de communication, c'est-à-dire qu'il doit parler comme il écrit et écrire comme il parle à voix haute. Et j'ai trouvé ça admirable comme principe, c'est-à-dire qu'il y a une unité de conscience. Parce qu'on va écrire d'une certaine façon, que ce soit les gens au Québec qui vont parler avec le joual ou les gens à Paris avec l'argot parisien, mais qui vont écrire d'une façon différente. Tandis que lui, il a dit la même façon de parler à l'écriture et à la lecture, ce qui fait en sorte qu'il est capable de faire des discours à voix haute et qui peuvent être transcrits par la suite. Donc, ça peut simplifier la chose pour des transcriptrices. Mais bref, tout ça pour dire quoi? L'individu, le salut, pourquoi que je dis que le salut est en soi? C'est que peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, que vous écoutez cet enregistrement-là, c'est, dans le fond, à vous poser la question par rapport au lieu où que vous êtes. Est-ce que, dans le fond, vous avez d'affaires à être là? Si, dans le fond, vous avez la vibration que oui, que vous soyez en France, en Chine, que vous soyez en Inde, vous n'avez pas nécessairement à venir au Québec. Donc, il peut y avoir un désir de l'ego, une croyance à l'effet que si vous venez vivre au Québec, vous allez devenir conscient puis que c'est un lieu qui est propice à ça. Alors qu'en réalité, ce qui est propice à la conscience, c'est l'écoute de soi-même, c'est-à-dire de reconnaître que le salut, c'est-à-dire la réalisation, c'est-à-dire le potentiel d'épanouissement, est en soi tout simplement. Et à un moment donné, il y avait quelques jours, un Européen m'avait écrit, il dit « Si je viens en vacances pendant l'été au Québec, est-ce qu'il y a des conférenciers en relation avec la conscience que tu me proposerais d'aller visiter, d'aller écouter? » Et malheureusement, au moment où je vous parle, il y en a très peu qui véhiculent la conscience. Et si vous voulez me parler d'une conscience de la même amplitude que Bernard de Montréal, présentement, j'en connais pas. Et moi-même, je prétends pas en véhiculer à son niveau-là. Pourquoi? Ben parce que je sais qu'il y a un prix à payer. Il y a plein de monde, Chris, qui sont fascinés par la conscience, qui aimeraient avoir accès à ça. C'est un petit peu comme les gens qui regardent un athlète à TV, Chris. Ils aimeraient ça courir aussi vite que lui, mais la plupart des gens sont pas prêts à payer le prix, la facture que ça rapporte. Pour un athlète, c'est quoi? C'est de s'entraîner très fortement. Et pour ce qui est de la personne de la conscience supramentale qui va véhiculer une parole avec une amplitude, une portée vibratoire comme Bernard de Montréal, c'est des chocs de vie. Tu sais, il faut vous comprenez qu'il y a des tensions énergétiques derrière ça. Pour que quelqu'un monte en vibration, c'est parce que la personne, si elle ne souffre pas dans sa vie ou n'est pas exposée à des oppositions énergétiques significatives, elle ne vivra pas. Donc, si quelqu'un me pose la question, Chris, c'est plate tes enregistrements, ou quelqu'un me dit ce commentaire-là, il y en a pas beaucoup qui sont vibratoires. Il y en a un peut-être qui m'écoute présentement, je ne sais pas, mais en fait, mon propos, puis à un moment donné, je vais dire de se mêler de ses affaires, je vais monter peut-être un peu plus en intensité. Des fois, il va me dire « Ah, ben là, tel enregistrement, c'est pas vibratoire, c'est de la connaissance. » C'est sûr, si je fais un enregistrement, que ça s'appelle « Étude sur les neurones miroirs, que c'est de la connaissance, c'est normal, c'est dit dans le titre. Étude, puis là, j'ai même dit l'autre fois « intellectuel ». Puis il y a des gens qui aiment moins ça. Ils aiment ça quand que je suis vibrant, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que pour être un peu plus vibrant, il faut souffrir, il faut monter en tension, il faut subir des tensions énergétiques pour monter ensuite en intensité vibratoire. Et les chocs de vie, je vais vous donner un exemple très concret, puis là, vous allez peut-être comprendre un peu plus ce que ça implique, là. Bon, ben pour arracher de l'information au plan, pour aller avoir accès à de l'information inédite, disons que le prix à payer, c'est de vivre une perte d'une manière intense. Donc, pour qu'il y ait un changement, un second niveau psychique. Donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui perd un montant d'argent significatif à la bourse, quelqu'un qui vit un accident d'automobile, quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, Quelqu'un qui apprend qu'il est atteint d'une maladie grave, puis ça le met en colère. Donc, ça prend une montée en énergie. Mais est-ce que la facture à payer m'intéresse? C'est-à-dire, si on me dit, ben, tu vas pouvoir, oui, avoir accès à telle information, mais en contrepartie, il va falloir que tu aies un accident automobile puis tu vas perdre une jambe. La réponse est non. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a un gros prix à payer. Puis par la suite, quand les gens écoutent des enregistrements à caractère vibratoire avec une grosse intensité, il y en a qui vont aimer ça. Et ils sont pas nécessairement capables de l'apprécier à la juste mesure, dans le sens qu'ils vont dire « Ah, le conférencier, Chris, il parle, c'est facile pour lui. » Pas nécessairement. Ça peut être en relation avec une mise en vibration faisant suite à une souffrance vécue sur le plan psychologique de l'ego qui est extrêmement intense, qui va lui permettre de rebondir en intensité sur le plan énergétique. Si on me pose la question, au moment où je vous parle, je suis père d'une fille de 6 mois, est-ce que j'ai envie que ma fille vive de la conscience supramentale comme Bernard de Montréal? La réponse, c'est non, Chris. Je veux qu'elle ait une vie normale et qu'elle ait la crise de paix. Donc, pourquoi? Parce que c'est en relation avec des tensions énergétiques extrêmement intenses et il y a des gens qui sont pas capables de contenir ces tensions-là puis ils se suicident. En fait, l'une des raisons, à mon avis, qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de conscience ou qui l'ont intégré, parce qu'il y en a qui en parlent intellectuellement, mais qui l'ont intégré ou qui ont vécu à caractère vibratoire avec haute intensité, ça court pas les rues, c'est que la plupart des gens parviennent pas à en faire l'intégration de l'énergie sans péter les plombs et suicider. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement qu'ils sont pas capables de contenir des grandes tensions sans sombrer dans la folie et la déchéance morale, psychologique, et ainsi de suite. C'est tout simplement ça. C'est un manque de capacité de contenance d'énergie. C'est un petit peu comme un résistor qui n'est pas capable de prendre la tension puis qui va fondre. C'est un phénomène énergétique, la conscience, toute bête. Et moi, avec les années, puisque j'en suis aujourd'hui, est-ce que je suis heureux d'être au Québec? Est-ce que je trouve, en fait, tiens, je vais le prendre autrement, que le Québec est un lieu propice à l'épanouissement de ma conscience? La réponse, c'est pas totalement. Est-ce que je suis le bienvenu pour parler de conscience? La réponse, c'est non. Au moment où je vous parle, il y a des gens de ma famille que je n'en parle pas, puis j'ai pas du tout l'intention d'en parler. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas à vivre ça. Ce serait de les exposer précocement à des réalités qu'ils sont pas capables d'intégrer, ce qui est inintelligent. Puis s'il y a des Européens qui vont venir ici dans un esprit orgueilleux en disant « Je vais venir ici, Chris, puis je vais être le bienvenu pour parler de ça à tout le monde sur la rue quand je vais aller voir le médecin, mes collègues de travail. » La personne risque de se mettre à dos un paquet de personnes, puis être ridiculisée, ostracisée, étiquetée comme étant folle. Donc, ça, c'est un autre volet à régler, là. C'est-à-dire que présentement, là, il y a des gens qui travaillent à normaliser ce qu'on appelle autrefois le paranormal. Une fois de temps en temps, je vais voir des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, le concept de conscience extra-neuronale. Ensuite, Jean-Jacques, Mario Beauregard. Il y en a d'autres aussi là, qui vont parler de la conscience qui est au-delà du corps physique, etc., qui cherche à amener un changement de mentalité, mais le changement, ça va prendre du temps. Des individus comme ça qui préparent une transition, peut-être que ça va prendre 30 ans, 60 ans, puis par la suite, parce que eux autres, la transition, c'est une reconnaissance d'une conscience, mais au niveau intellectuel. Mais c'est pas encore une conscience nécessairement vibratoire comme l'entendait Bernard de Montréal. Mais ça va venir avec le temps pour le collectif. Donc, bref, est-ce que le collectif du Québec est un lieu d'épanouissement de conscience? La réponse, c'est non. Puis ça risque d'être long en maudit. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont naïfs européens qui sont mieux de venir ici puis faire leur choc de réalité. C'est-à-dire vouloir parler de tout ça tout bonnement avec des gens sur la rue puis se faire répondre. T'es un esti de malade dans la tête de penser que ça existe, l'esprit, l'âme puis tout ça. T'es un crise de schizophrène. Tu t'entends des voix, schizophrène, malade mental. Tu devrais être enfermé en psychiatrie, tu devrais prendre des antipsychotiques, etc. Donc, ça, c'est l'approche. Puis aujourd'hui, la façon que je vois l'évolution de la science médicale, c'est qu'autrefois, bon, il y a des gens qui partent de cette prémisse-là systématiquement, vécu ouvertement. Aujourd'hui, pour des raisons d'empathie, ça se peut qu'un psychiatre ou un psychologue rencontre une personne, puis oui, va être neutre pour l'écouter. En disant « Ah, monsieur, vous entendez des voix, OK. » Mais il va peut-être l'écouter par politesse parce que c'est une tactique psychologique pour créer un lien de confiance avec le patient. Il va peut-être penser dans le fond de lui-même que la personne est folle, qu'elle a un problème de santé mentale automatiquement si elle entend des voix, mais pour créer une alliance thérapeutique avec elle, il va dire « Oui, je vous écoute, donc vous me dites que vous entendez des voix », il va faire des reflets empathiques, donc vous vous sentez incompris. Donc lui refléter sa situation avec politesse, mais ça c'est le plus beau que la personne qui vit pas ça peut faire par rapport à un autre pour qu'elle se sente écoutée, mais dans le fin fond, elle-même, elle va donner le bénéfice du doute en apparence, mais dans le fond d'elle-même, elle va probablement prendre comme note évolutive dans son évaluation, il entend des voix schizophrènes, mais par politesse, il peut dire ça. Donc, autrement dit, la légitimité de la communication intrapsychique que peut vivre un individu, comme par exemple Bernard de Montréal, il disait qu'il entendait des voix dans ses enregistrements, ben, quelqu'un techniquement qui dit ça sur la place publique ou dans les milieux scientifiques, automatiquement, il est étiqueté comme quelqu'un qui a un délire hallucinatoire. Donc, c'est ça, si je fais des enregistrements, ce que je dis, je parle avec mon double et que j'entends en transe, ils vont dire, le gars, il y a un problème parce qu'il se met à halluciner puis il délire. Au lieu de me donner le bénéfice du doute en disant, OK, il dit ça, mais est-ce que ce qu'il dit, ça tient l'allure? Est-ce que ce gars-là est capable de fonctionner en sa réalité? Est-ce qu'il est capable, par exemple, de manger adéquatement? Est-ce qu'il était capable de donner des soins adéquats à son enfant, et ainsi de suite? Donc, au niveau de l'évaluation psychosociale qui peut être faite, mais bref. Le paranormal n'est pas bienvenu aujourd'hui au Québec, encore moins dans une société cartésienne là, comme les gens en France, en Europe, où là l'intellectuel est très valorisé. Tandis qu'au Québec, l'intellectuel, comme je disais tantôt, est méprisé, dans le sens que si je me promène sur la rue, tout bonnement, je décide de discuter avec quelqu'un d'astrophysique ou de mécanique quantique, ben, il va me dire, soit qu'il ne voudra pas me parler, ou à part si c'est quelqu'un qui est scientifique. Mais non, actuellement, on n'est pas bienvenu parler de ça. Ce qu'on va être le bienvenu, là, c'est de parler de la pluie et du beau temps. Puis parler de politique encore là, c'est un sujet qui est délicat parce que ça crée de la polarité et des chicanes. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut parler. Puis si moi, j'étudie des choses, puis j'en parle sur Internet, c'est que des gens qui doivent réaliser qu'à quelque part, ça peut être une façon de compenser la pauvreté intellectuelle des gens qui m'entourent sur le plan physique. Je parle pas de ma compagne parce qu'elle est ouverte d'esprit et quelques interlocuteurs aussi que j'ai sur le web, mais je veux dire, mais c'est correct aussi, il faut que je respecte les gens. C'est pas parce que moi je suis intéressé, par exemple, à étudier des notions à caractère scientifique, comme par exemple les neurones miroirs, que je dois écœurer le monde avec ça de mon entourage. Il faut être sélectif et intelligent, il faut respecter la sensibilité des gens, mais il y a un lieu pour ça. Donc sur Internet, récemment, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, ou en lien avec mes études que j'ai faites des neurones miroirs, que j'ai partagé ça, puis s'il y a des gens qui s'écoutent, ben, qui s'intéressent, ben, vous pouvez l'écouter ou l'écouter pas. Moi, après ça, là, je m'en fous, mais tout ça pour dire quoi? Ben, l'individu qui se conscientise, c'est un individu qui se construit par lui-même et il ne doit pas compter sur les plans de la lumière pour y arriver. Autrement dit, avec le temps, quand on est spirituel, on peut dire « Ah, oh, Christ, les anges, ils vont nous aider, ils vont pourvoir à nos besoins, le bon Dieu il est là pour nous, Christ, il nous aime. » Ça, c'est de la naïveté spirituelle. Et à un moment donné, tu demandes des choses au bon Dieu, aux anges, aux archanges. À un moment donné, tu deviens peut-être un peu plus affirmé. Tu fais des commandes à l'univers, là, donc André Moreau qui bénit ou qui commande à l'être en tant qu'absolu. Je suis un peu plus proche de son mouvement, naturellement. Et le salut de l'individu vient au sein de l'individu lui-même par rapport à sa volonté de se sauver de la bêtise humaine, ou la capacité à contourner l'idiotie quotidienne qui est véhiculée dans les médias de masse. Donc, la personne, à quelque part, doit réaliser qu'on est dans un monde qui est fou, qui est fourbe, qui est un monde de menteurs, de manipulateurs, d'escrocs, et que à quelque part, on est en situation que, à quelque part, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, si on veut être équilibré, ne serait-ce qu'en santé, il faut avoir une volonté de vivre qui est puissante. Une volonté aussi d'évaluer tout par soi-même, une volonté individuelle, parce que c'est pas parce que quelque chose est véhiculé que c'est nécessairement au bon ou sain. Donc, c'est ça qui ce qui est contrariant dans le temps, c'est qu'on voit que la société prend des voies qui n'ont pas de sens, mais il faut qu'elle sature de ces voies-là pour passer à autre chose par elle-même. Et qu'un individu peut dénoncer, critiquer socialement, oui, quelque chose qui peut être fait dans un sens, si on a la vibration, mais faut s'occuper de soi d'abord. C'est pour ça que le salut est au sein de l'individu lui-même. Donc, l'amour du lointain, dans le sens que, je vais aller faire un pèlerinage, par exemple, en Égypte, je vais aller voir les pyramides, là. Puis là, si je vois dans les pyramides, je crois que dans des lieux internes de pyramides, donc que ça ait des lieux propices sur le plan vibratoire à vivre des initiations cosmiques ou passer à un autre niveau de conscience. Donc ça, c'est de la naïveté, en fait, ou aller à Stonehenge ou dans des lieux comme ça. En fait, le lieu qui est ajusté vibratoirement, c'est le lieu dont vous avez la vibration que vous avez à être. C'est pas un lieu qui est popularisé par le nouvel âge ou les croyances à caractère spirituel. C'est le lieu que vous avez la vibration d'être, tout simplement. Donc, si quelqu'un est en Europe, puis il a la vibration d'être là, qu'il reste là. S'il a la vibration d'être au Québec, il peut venir au Québec, mais il faut pas qu'il s'illusionne sur le Québec, dans le sens que le Québec, la façon que je vois ça aujourd'hui, c'est une masse d'individus qui n'ont pas parvenu à la supraconscience, mais en même temps, il faut pas les blâmer. Étant donné que c'est pas qui veut accéder à la supraconscience, mais c'est qui peut, et c'est qui peut malgré lui, c'est-à-dire qu'il en a la capacité malgré lui sans l'avoir décidé consciemment en tant qu'ego, parce que s'il déciderait consciemment en tant qu'ego d'accéder à la supraconscience et qu'il serait conscient des enjeux relatifs à ça en termes d'opposition énergétique vécue pour y parvenir, probablement beaucoup de personnes refuseraient. Il y aurait peut-être même des gens qui, fassent à la lourdeur de la tâche énergétique, tomberaient dans des états de déchéance morale, de dépression, de démission psychologique. C'est ainsi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous n'avez rien, les gens que vous êtes en Europe, vous n'avez pas rien à enlever à Bernard de Montréal, Marc Dalsard ou d'autres personnes qui vivent au Québec ou ailleurs. Pourquoi? Parce que, à quelque part, il faut réaliser que chaque personne vit en fonction du lieu qui est appelé à être. Puis si quelqu'un a à être à un endroit où il est manipulé par son environnement ou sa conscience pour être un endroit, c'est que des raisons derrière ça, il n'y a pas de hasard. Donc la réalité, c'est quoi? C'est un vaste système d'interaction entre des individus en relation avec des lois de programmation. Il y a des lois d'évolution énergétique qui sont en relation avec l'esprit qui peut, à un certain moment donné, tirer les ficelles dans une direction plutôt que d'autre, et c'est à l'individu suffisamment sensible de le reconnaître et d'agir en conséquence. Sinon, l'individu en tant que tel, il doit reposer sa vie sur lui-même individuellement, pas attendre le support des plans de la lumière pour être heureux, ni de ses semblables, ni du collectif, parce que sans ça, il risque d'attendre longtemps puis il se passera rien. Il faut qu'il se donne à vivre la réalisation des moments de bonheur puis qu'il évalue toutes les choses par lui-même. Donc, puis faire des observations honnêtes, c'est une façon d'y arriver. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, quelque part, la réalisation ne passe pas et ne passera jamais par le collectif. Le collectif, certes, un collectif donné, faut pas être fou non plus. Là, c'est sûr, si la femme vit au Québec, ça va être plus propice à son épanouissement qu'elle vit en Afghanistan, au niveau intellectuel, par rapport à cette sphère-là. Puis des rapports égalisés avec les hommes, là, l'égalité homme-femme, ça c'est clair. Mais c'est pas parce qu'elle vit ça que c'est nécessairement que ça va faire en sorte qu'elle va passer à la supraconscience. La supraconscience peut être indépendante, c'est-à-dire que la personne qui peut vivre, par exemple, en Afghanistan, en tant que femme, peut, à un moment donné, vivre un choc énergétique d'une tellement grande intensité qu'elle va passer au second niveau de la conscience, malgré elle, et à ce moment-là, voir clair à travers toute la pollution culturelle auquel elle est associée, sans pour autant avoir... à vivre dans un lieu qui est plus propice à l'éducation, qui permet de faire des prises de conscience intellectuelles, c'est-à-dire un lieu qui donne accès à des études universitaires. Et il y a des gens qui s'éveillent un peu partout. Il y a des gens présentement qui, au moment où est fait cet enregistrement, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et tu as des gens en Russie qui sont pas dupes de qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui sont pas naïfs face à la propagande russe alors qu'ils sont des Russes, qui sont opposés à la situation de conflit et ainsi de suite. Il y en a qui vont faire des coups d'éclat, ils vont manifester puis ont été arrêtés par rapport à des manifestations contre la guerre en Ukraine. Mais il y en a d'autres qui, dans le fort intérieur d'eux-mêmes, ont réalisé qu'est-ce qui se passe, la manipulation. Mais comme ils veulent pas aller en prison, être exclus de la société, voire même être torturés dans certains cas, ben, ils vont tout simplement se taire puis être en situation de conformité d'apparence. Donc, et c'est sûr que la stratégie de la conformité d'apparence, donc passer inaperçu, c'est une stratégie évaluée, dans le sens que moi-même au Québec, si les gens me voient sur la rue, je vais m'habiller comme une personne normale, je m'habillerai pas d'une manière extravagante, là, comme Barbada, là, en tant qu'homme avec une robe, donc ni plus ni moins conservatrice, non, je vais m'habiller avec des pantalons, une chemise, un chandail, d'une manière très standard. Si les gens parlent pas de conscience, si le contexte n'est pas propice à ça, c'est pas moi qui vais initier une conversation en lien avec ça. Et de toute façon, en tant que tel, au niveau de mon esprit, de ma conscience, c'est très rare que je suis mis en vibration pour parler de conscience avec une personne étrangère. Très, très, très rare. Puis des fois, je le suis. Puis pour être honnête avec vous, je vais même pas de l'avant avec ça. Même si je sais qu'il y a un potentiel de discussion vibratoire avec certaines personnes, des fois, ça me tente pas. Tu sais, des fois, il y a des journées, je pars en vibration pour un enregistrement, puis j'en fais pas. Parce que j'ai, à quelque part, en tant qu'ego, une capacité aussi de dire non au mouvement. Il faut pas, trop idéaliser le mouvement de l'énergie qui cherche à s'articuler entre nous, dans le sens que si vous vous consacrez beaucoup à diffuser de la conscience et vous attendez un retour financier en proportion, vous risquez d'être déçu. Il y a des gens qui se sont consacrés à ça et qui n'en ont pas vécu décemment. Marc de la Salle a voulu, à travers les ans, dans le cadre de sa vie, à travers des livres qu'il a écrits, des conférences, se consacrer à ça. Sauf que le point, puis j'ai tout observé ce qu'il a vécu, mais son emploi normal d'enseignant que lâché, et ça, c'est moins spectaculaire d'être un enseignant de français de 5e secondaire que d'être quelqu'un qui va être un instructeur de haute voltige de la supraconscience. Certes, c'est plus conventionnel comme emploi. Par contre, cet emploi-là était rémunérateur. Et par la suite, il a arrêté cet emploi-là pour se consacrer à la diffusion de la conscience. Sauf que le problème, c'est toujours la question d'en vivre décemment. Et il faut pas être naïf. C'est pas parce qu'on est mis en vibration par rapport à quelque chose que ça veut dire nécessairement qu'un public suffisamment grand va être mis en vibration pour l'apprécier. Au moment où je vous parle, en 2023, par rapport à mes enregistrements, vous pouvez constater que en termes de visionnement, c'est presque nul, dans le sens que si je suis chanceux, je vais peut-être avoir 100 ou 200 visionnements pour une capsule individuelle. Si je fais un enregistrement en compagnie de Bertol, c'est un petit peu plus. Même chose pour Mona, avec des invités, je pense que l'intérêt du public est plus là que m'entendre parler en solo. Sauf que le point, c'est que le public n'est pas au rendez-vous. C'est pas comme une vedette de la musique ou du cinéma qu'il va avoir une vidéo qu'il va faire puis au-dessus d'un million de vues. Là, on n'est pas là du tout, mais du tout. Donc, les gens du public, ça les intéresse pas. Et les gens qui m'écoutent en Europe, vous devez allumer que c'est anecdotique, les gens qui s'intéressent à la conscience supramentale au Québec. Je sais pas si je vais être capable de le répéter assez pour que les gens comprennent, mais j'ai l'impression que dans quelques semaines, il va peut-être avoir dans un mois une autre personne européenne va dire « Ah, le Québec, là, il doit avoir plein de monde conscient. T'es chanceux de vivre là, Chris. » La réponse est non, tabarnak. Je suis pas chanceux, esti. Ma conscience, je la fais par moi-même. Je la vis par moi-même individuellement. Je suis pas supporté par le collectif. le collectif, que ce soit le gouvernement, là, il donnera pas des bourses de millions de dollars là, comme aux multinationales pour l'économie verte ou des entreprises économiques comme le chantier MLDV à Lévis, que c'est pas vraiment rentable. Ça fait des années qu'ils dépensent une fortune par rapport à ça, ou des entreprises comme Bombardier ou des autres technologies que le gouvernement va donner des fortunes pour qu'il y ait un développement. Non, il n'y a aucun soutien financier pour l'individu qui véhicule de la conscience supramentale. C'est pas reconnu par le gouvernement. Non seulement c'est pas reconnu par le collectif ou, entre guillemets, l'élite intellectuelle, mais c'est vu, pour ce qui est des gens qui vivent une communication interne, comme étant un trouble mental, c'est-à-dire un état de schizophrénie. Par des psychiatres. Si la personne est chanceuse, elle va l'écouter par politesse avec une certaine forme de neutralité apparente. Mais c'est pas plus que ça. C'est là où ce qu'on en est. Donc, autrement dit, le soutien du collectif pour véhiculer une vibration, il est presque nul. Puis si quelqu'un véhicule une vibration, c'est parce qu'il se supporte de lui-même fondamentalement. C'est ça. C'est le constat auquel que j'en viens. C'est le même constat que j'aurais pu faire il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il n'y a pas grand-chose qui change avec le temps. Les mentalités ne changent pas rapidement. Ça se fait progressivement. Donc, au cours des siècles, un peu comme tantôt, je disais l'image de l'homosexuel qui, en 1923, surtout quand le Québec est très religieux, puis la religion catholique disait que l'homosexualité c'était vu comme un péché. La sexualité pratiquée hors du mariage ou pour la procréation, c'était vu comme quelque chose d'extrêmement mauvais, le mal. Donc, les gens ont été méprisés, les homosexuels, dans le passé. Et aujourd'hui, les gens, il y a une ouverture qui s'est faite. Ça va être sans doute la même chose pour les gens qui vivent d'une conscience supramentale. Mais avant d'en venir là, il va falloir que l'élite intellectuelle, entre guillemets, des universitaires reconnaissent que, dans les phénomènes de mort imminente, c'est pas juste des gens qui hallucinent, puis des gens qui vivent des phénomènes paranormaux, c'est pas tous des fous. Mais ça va prendre du temps. Et de toute façon, ça me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est d'avoir une belle vie puis être heureux. Puis pour y arriver, je vous le dis, là, je fais des enregistrements avec Bertolt, mais c'est pas tous mes amis comme Bertolt avec qui que je peux parler de ça ouvertement. Il y a des gens que je parlerai jamais de ça, puis je veux pas en parler. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de les exposer à quelque chose qu'ils ne vivent pas. Ça serait un manque de respect à un certain niveau. Puis qu'est-ce qui va décider qu'un collectif, il y a une masse critique de gens suffisamment grande qui en vivent pour qu'une reconnaissance? Ben, c'est les plans de la lumière. La balle est dans leur camp. Fait que on peut les blâmer, hein, en disant les plans de la lumière, vous mettez en vibration certaines personnes puis pas d'autres, puis c'est de votre faute si ça tourne pas rond dans la société puis dans le monde. Oui, on peut les tenir responsables parce que c'est eux autres qui ont orchestré les programmations fondamentales. Et c'est des programmations défaillantes. Certes, il y a du parasitage énergétique en relation avec des êtres retardataires, en relation avec du mémoriel astral qui peuvent interférer sur le mouvement. Mais à la base, ceux qui ont été les architectes fondamentaux de la structure physique en tant qu'univers dévoilé et manifeste, c'est les êtres qui résident sur le plan éthérique, qui sont constitutifs de la réalité sur le plan phénoménologique, là. Donc, c'est eux autres qui sont quelque part à critiquer. S'ils ne savaient pas que les tenants, les aboutissants de leur création n'ont pas tourné comme ils pensaient, ben c'est leur problème. Donc, et moi, dans mes revendications par rapport à l'esprit, elles sont les suivantes. Je revendique le droit d'être heureux. Je revendique le droit d'avoir la crise de paix. Pas la paix du Christ, comme dirait Bernard de Montréal, la crise de paix, ce qui fait que dans la rue, je reste low profile. Dans le sens, je ne m'habillerai pas comme un radical religieux, puis je ne me mettrai pas avec des robes froufrou pour m'habiller en drag queen non plus. Je vais avoir la crise de paix. Je vais m'habiller avec très grande sobriété. Je veux même passer inaperçu. Pourquoi? Parce que les gens sont stupides en général, dans le sens qu'ils sont inconscients, puis on ne peut pas les blâmer de manquer de conscience parce qu'ils ne sont pas programmés pour ça. Ils ne sont pas capables de contrer la conscience. Donc, c'est un paquet de cercles vicieux qui fait en sorte que les gens sont pas respectueux, mais ils n'ont pas la sensibilité pour être respectueux parce que, à quelque part, ils n'ont pas la contenance de l'énergie de l'amour, du principe énergétique et vibratoire qu'ils ne sont pas en mesure de capter, d'intercepter et de vivre en cohérence avec lui. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'individu qui parvient à la conscience, il vit d'abord par lui-même et pour lui-même. Et pour se servir de ça. Moi, le pragmatisme des Québécois, Ça peut être intéressant de le parler ici. C'est que, je vous explique, il y a plusieurs années, bon, j'étais quelqu'un plus intellectuel, je le suis encore un peu, là, je vous dirais, là. D'ailleurs, je fais des études comme les cellules, les neurones miroirs, et c'est sûr, dans un lointain passé, il y a des gens qui me disaient « Christ, des niaiseries, ça ne mettra pas de l'argent sur la table ». Puis bon, j'étais un petit peu en réaction par rapport à eux, par rapport à leur manque d'ouverture, mais avec les ans, je suis obligé de reconnaître qu'il y a de l'intelligence dans le pragmatisme québécois qui va mépriser le côté intellectuel trop théorique, pelletage de nuages. Je suis capable de le reconnaître. Mais en même temps, c'est pas parce que quelqu'un est très pragmatique qu'il doit tout, avoir du dédain pour de la théorie et être méprisant. Parce qu'il y a de la théorie qui peut être utile. Ou élargir ses horizons, ne serait-ce que d'être capable d'être plus ouvert sur le monde, ça peut être plus utile. Là, ouais. Tu sais, tout peut servir dans un sens. Fait que je peux comprendre, par exemple, les gens en Europe qui vont véhiculer beaucoup la connaissance intellectuelle, donc les gens des milieux universitaires, élitistes, européens, par exemple, qui vont vivre à Paris et qui vont aller étudier à la Sorbonne, avec un vocabulaire très pointu, très technique. Ils ont des milliers de mots plus que le Québécois qui se promène sur la rue. En termes de connaissances, ben, ils ont des connaissances encyclopédiques. Donc, il y a une utilité derrière ça. Puis, il y a l'utilité aussi du Québécois très pragmatique qui va dire là, tout ce qui est intellectuel qui ne vous sert pas dans la vie de tous les jours, soit être en santé, soit à faire de l'argent, c'est de l'hostie de marde. Bon. Fait que il y a des gens qui vont me dire ben le supramental, Christ, ça te permet pas de te nourrir, ça te permet pas par la suite d'avoir une santé totalement parfaite, bon ben, ou de dormir toutes tes nuits, parce que des fois je fais de l'insomnie, ben ils vont dire c'est de l'hostie de marde. Puis je comprends leur perspective. Puis je comprends la perspective aussi de la personne qui va chercher à comprendre des phénomènes qui se comprennent pas intellectuellement parce qu'elle a été exposée à ça en relation avec un vécu à caractère paranormal précoce. Mais c'est pas parce que quelqu'un vit des phénomènes paranormaux qu'il faut qu'il en parle à d'autres qui n'en vivent pas, parce que s'ils n'en vivent pas, ils n'auront pas de point de référence sur lesquels s'appuyer pour avoir un espace de compréhension du vécu de l'autre. Tout ça pour dire quoi? Ben, le milieu plus pragmatique nord-américain avec les États-Unis qui sont tournés vers l'argent ou européen par rapport à la connaissance intellectuelle de haute voltige, tout ça à un certain niveau a des raisons, ça sert. Et c'est être capable de tirer profit de tout. Parce que si on est ignorant, ben on peut en souffrir. Parce qu'on peut passer à côté d'opportunités de la vie. Quelqu'un qui est ignorant, qui n'est pas capable, par exemple, de désinfecter une plaie, puis sa plaie s'infecte davantage, ben il peut en mourir. Tu sais, ça peut être aussi bête que ça. Tu sais, tout, à un certain niveau, peut servir. Puis finalement, avec les années, j'en suis venu à la conclusion qu'il ne faut rien mépriser. Puis que quelque part, il y a de l'intelligence dans la contestation de la haute intellectualité ou des gens qui sont juste pragmatiques puis terre à terre, mais qu'à quelque part, à un moment donné, il faut vivre sa vie pour soi, puis laisser le clivage qui se passe en différents foyers de population s'opérer, parce qu'au fil du temps, les énergies vont travailler, que ce soit implicitement ou explicitement, une forme d'équilibrage au sein des populations. En ce sens que si une population est trop de type yang, le principe actif, ben à un moment donné, il va y avoir des tensions qui vont être vécues pour que la population intègre davantage le principe yin, le principe féminin, le principe passif, pour qu'il y ait un équilibre de vie. Et si une civilisation comme celle, par exemple, nord-américaine, est très haut tournée vers l'action, le profit, le rendement, donc un principe très yang, là, dans le sens que les gens travaillent pour faire de l'argent. Quelqu'un qui utilise trop ses membres physiques pour travailler, il va faire une tendinite, une bursite. Quelqu'un qui fait trop des mouvements répétitifs avec les mains sur une base régulière, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va avoir des douleurs aux poignets. Quelqu'un qui utilise tout le temps les poignets pour, par exemple, assembler des pièces jour après jour, ça manque d'équilibre, il n'y a pas un temps de repos adéquat. Donc, pour compenser ça, la personne peut faire du yoga, peut faire du yoga de type yin, de restauration, pour trouver une forme d'équilibre. Et si la personne ne bouge pas assez, elle fait de la léthargie. Ça bouge trop, est en déséquilibre parce que la personne n'a pas le temps de repos. Les muscles n'ont pas le temps de se refaire et est en train de se vider de son énergie et candidate à l'épuisement. Puis si la personne, au contraire, elle ne bouge pas assez et est tout le temps assise sur une chaise, bien, elle est dans un principe d'inertie qui peut l'amener à être déprimée puis sombrer elle aussi dans la dépression, mais pour d'autres raisons. Il y en a un, c'est surmenage, suractivité sur le plan physique, puis l'autre, sous-activité. Puis c'est la même chose pour les civilisations, c'est la même chose pour les êtres humains. Fait que tout ça pour dire quoi? Que d'être polarisé sur la connaissance ou la mépriser, c'est inintelligent. Même chose pour le savoir. Puis être polarisé pour idéaliser le Québec comme étant lieu de salut, parce que Québec peut être vu par certains comme étant un petit peu comme la Gaule par rapport aux gens qui ont aimé les bandes dessinées d'Astérix, c'est-à-dire que quand on voit les présentations de bandes dessinées d'Astérix, c'est qu'il y avait un petit village gaulois, d'irréductibles gaulois qui résistait à l'envahisseur romain, l'Empire romain, qui entourait ce petit village. Et on pourrait faire une analogie, une comparaison avec la population québécoise et l'Empire américain. Donc, les États-Unis sont au-dessus de 300 millions. Le Québec est composé d'à peu près 8 millions d'habitants. Et ensuite, on a le Canada, à peu près 35 millions au total. Et on peut dire qu'on est entouré de gens qui parlent en anglais avec l'Empire américain. Et il y a un petit village d'irréductibles québécois qui survit à travers le temps. Et dans les bandes dessinées d'Astérix, le secret de la longévité du petit village, c'était la potion magique. Et le secret du peuple québécois, ben, à quelque part, c'est son nationalisme à un certain niveau, quoique c'est en train de s'effriter avec le multiculturalisme là, au fil des ans. Mais est-ce que, dans le fond, le peuple québécois résiste à l'envahissement astral qui provient des États-Unis et de la déchéance morale qui peut être véhiculée par rapport à certaines vedettes hollywoodiennes? La réponse est non. Donc, il n'y a pas de résistance à l'astral. Donc, le Québec n'est pas un petit lieu à caractère supramental, un peu comme un petit lieu là, épargné là, de la langue anglophone, parce qu'ici, on parle français. Ici, on est contaminé par l'astral, comme les gens aux États-Unis, comme les gens en France, en Belgique, etc. Il y a quelques irréductibles québécois, un peu comme les irréductibles gaulois, mais là, c'est de l'ordre de l'exception, là, de la rareté, qui peuvent vivre une forme de conscience supramentale, au même titre que quelques irréductibles gens individués un peu partout dans le monde peuvent vivre également cette conscience-là. Mais naturellement, là, ça ne court pas les rues. C'est très rare. C'est anecdotique. Donc, je pense que j'ai enfoncé le clou suffisamment dans le cadre de cet enregistrement là, pour donner un message clair aux Européens. Et là, ça me fait un enregistrement à partager. Donc, si je vois des gens qui m'écrivent de nouveau, parce que ça peut arriver dans les prochaines années, qui vont envier les Québécois. Ils vont dire « T'es chanceux, Chris, de vivre au Québec, t'es privilégié, tu baignes dans un environnement qui te permet de comprendre la conscience supramentale. » Mais non, Chris, les gens, ils sont plutôt opposés par rapport à ça. Ils en veulent pas, présentement. Je pense que la meilleure façon de réaliser qu'ils en veulent pas, c'est de réaliser qu'il y a très peu de conférences en lien avec ça qui est faite ici. On n'en parle pas dans les médias de masse. Et sinon, en termes de visionnement, c'est pas les gens qui véhiculent de la conscience, c'est pas des millions de vues. Donc non, il n'y a pas de popularité derrière ça, il n'y a aucune, pas de reconnaissance du collectif là, par rapport à ça. Là. Non. Mais peut-être dans 100 ans, les choses changeront, mais peut-être que dans 100 ans, je ne serai plus là, fait que j'attends rien du collectif. D'où le principe de base, donnez-vous le salut maintenant, n'attendez pas après le collectif, attendez après rien. Donc c'est ça. Fait que c'est sur ces considérations que je vous laisse. Merci de votre écoute. Je vous dis au revoir, à bientôt.